canelonnier. On vend la barrette aussi longue que des canelonniers. Puis à faut que j'arrête, je reprendrai en Calédonie. Faut cracher le dolé à deux têtes, j'ai palette d'olive. Chelou, faut pas lui donner, on maîtrise ça comme la palétonie. Toujours ai-je moi à caillou, là de nouveau je suis dans les bails, aïe aïe. Ça crie toujours aïe aïe, ils veulent péter tout le détail, aïe aïe. Rabat c'est les deux sur le café, c'est la scellé, ça oh. Rabat c'est bête, me faire péter, je peux pas laisser ça, Nous, c'est comme des vrais qu'on pense, tu m'as lié les frais, ils pètent. Même par exemple, vos récompenses, écoute ma gueule, je rappe la vérité. J'suis à peur quand j'ai pas un, ma voix plus d'une fois, ils ont failli. J'ne crache plus dans son palin, amène ta bouche, c'est les opaïnes. Bonbonne de chez sa mère, comme d'un maudit par le temps, bloqué pour un salaire, d'un four sur refroidi par le vent. Bonbonne de chez sa mère, comme d'un maudit par le temps, bloqué pour un salaire, d'un four sur refroidi par le vent. Tu veux du rap, inigo, comme la drogue, je leur sers, illico. Rien ne sert de le faire, émito, je pète mon joint derrière les micos. Les cannes vélo stunt, on fait tout pour zoner. Cache coca gouldan, on fait tout à zommer. Bourré, je roule la patata, les commères me racontent leur patati. C'est qui se prend un pote à toi, c'est qui s'active, hein, c'est pas d'artier. Pas d'interview, peu d'articles, j'suis dans la tournante de sa mère. Son trienne et peu d'amis, succès comme les porcs, les potes s'amènent. Mon frère, j'ai bon écharpe, descente, il fait chaud comme à Singapour. Elle caille sa mère, j'ai pas de bonne écharpe, jour 6 pour d'autres sûr que les Singapour. Rien de nouveau, j'suis dans les bas, aïe aïe aïe. Ça crie toujours aïe aïe aïe, ils veulent péter tout le détail, aïe aïe. Rien de nouveau, j'suis dans les bas, aïe aïe aïe. Ça crie toujours aïe aïe aïe, ils veulent péter tout le détail, aïe aïe. Dans le four, j'suis refroidi par le vent. Bonbonne de chez sa mère, comme d'un maudit par le temps. Bloqué pour un salaire, dans le four, j'suis refroidi par le vent. Bonbonne de chez sa mère, comme d'un maudit par le temps. Bloqué pour un salaire, dans le four, j'suis refroidi par le vent. Dans le four, je suis refroidi par le vent.